Chez une reine. Les Antiques, à Glanum, près de Saint-Rémy de Provence, sont deux monuments du début de notre ère, l'époque gallo-romaine.